tu devines mon visage effacé. Pour moi, tout me semble éloigné. Mes blessures, tu ne peux pas les soigner. J'imagine ma maison dévastée par la tempête qui s'est déchaînée. Quand le blues envahit mes idées, ne m'éteins pas la lumière, je t'en supplie. J'avance sans regarder derrière, tu dis que je fuis. Ne m'éteins pas la lumière et tu souris. J'avance en prenant des pierres et puis je ris. J'assassine mes histoires du passé. Ne m'éteins pas la lumière.